Ham Station. Chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir éclatant, vert et généreux, tu changes de vie, avec toi, chanvre, tout devient harmonie. Un chant de chanvre, le souffle de la terre, respire la vie, un trésor millénaire, ses fibres tissées, douces et résistantes, pour des vêtements durables, une mode éclatante. Chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir éclatant, vert et généreux. Tu changes de vie, avec toi, chanvre, tout devient harmonie. En quelques mois, il grandit majestueux. Quand la forêt attend des années silencieux pour sauver nos bois, nous faisons du papier de chanvre, des forêts préservées, un avenir sans entrave. Chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir sans éclat. Vert et généreux, tu changes de vie. Avec toi, chanvre, tout devient harmonie. Dans le textile, il brille des fibres enchantées pour des vêtements durables, une mode raffinée. En construction aussi, il trouve sa place, un script et isolant pour des maisons en toute grâce. En toute grâce. Un chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir éclatant. Et généreux, tu changes nos vies. Avec toi, chanvre, tout devient harmonie. Des bouteilles qui se décomposent, un avenir durable. Le plastique remplacé, un geste admirable. Pour la santé aussi, des graines nutritives, riches en protéines, pour des vies positives. Chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir sans éclat, vert et généreux, tu changes nos vies, avec toi, chanvre, tout devient harmonie. Le chanvre est un abri pour les oiseaux et les bêtes, un refuge naturel dans nos champs et nos fêtes. Il prévient l'érosion, protège nos sols précieux, un allié de la terre, de nos cieux radieux. Chanvre merveilleux, dans tous tes états, tu nous offres tant, un avenir sans éclat, vert et généreux, tu changes nos vies, avec toi, chanvre, tout devient harmonie. Sans pesticides, ni produits chimiques, il pousse un modèle de culture sans aucune, sans aucun tracas, douce. Le chanvre est notre avenir, un espoir renouvelé pour un monde plus vert. Ensemble, nous pouvons rêver. tendre marieux. Dans tous tes états, tu nous offres tant un avenir éclatant, vert et généreux. Tu changes nos vies avec toi, les chambres, ah, tout devient harmonie. En médecine aussi, il soigne nos maux, douleur et inflammation, il apaise tous nos maux. Un remède naturel aux vertus infinies, le chanvre est une force pour nos vies embellies. Le chanvre merveilleux dans tous tes états, tu nous offres tant un avenir éclatant, vert et généreux. Tu changes nos vies avec toi, le chanvre tout devient harmonie. Et pour ceux qui l'ont pas compris, hein, eh ben, le chanvre c'est la puissance numéro 1, number 1 Hamstation.